Pedle si apu, sindaya nariyali esmali, singo adilililililili. Tik tik kumbat, tik tik kumbat, karu karu kumbat, tik tik karu karu kumbat, tik tik karu karu kumbat, tik tik kumbat. Magique, éphémère, qu'on ne peut garder dans un coin ou retenir dans les mains. What a séduction telle, un soupir magique, magique, éphémère, qu'on ne peut garder dans un coin ou retenir dans les mains. What a séduction telle, un soupir magique, magique, éphémère, qu'on ne peut garder dans un coin ou retenir dans les mains.